Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, c'est François Grégoire au microphone, et nous allons prendre quelques minutes pour revenir sur une belle consécration qu'a reçue une chercheuse canadienne. Oui, François, c'est la saison des prix Nobel et le prix Nobel de physique a été annoncé mardi. Une couronne, trois scientifiques, dont une femme canadienne. Donc, il s'agit de Donna Strickland. Elle est en fait seulement la troisième femme à recevoir le prix Nobel de physique depuis la création du prix Nobel. C'est vraiment pas beaucoup, ça. Non, vraiment pas. Donc, les deux autres étaient Marie Curie en 1903 et Maria Goeppert-Mayer en 1963. Donc, effectivement, trois sur l'ensemble de tous les prix Nobel de physique, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, quelques mots sur Donna Strickland. Elle est professeure de physique à l'Université de Waterloo en Ontario. Elle a reçu le prix Nobel pour avoir co-inventé ce que les physiciens en optique appellent l'amplification par dérive de fréquence. Alors, en français commun... Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. C'est une méthode pour produire des... En français très commun, hein, je veux le dire. Ouais. Donc, c'est une méthode pour produire des lasers puissants et très brefs. Donc, très bref, on parle de l'ordre de la femtoseconde. Et une femtoseconde, c'est un millionième de milliardième de seconde. C'est vraiment très, c'est ça, très c'est vraiment très court. On ne peut pas imaginer comment. Oui, c'est ça. Non, je ne pense pas qu'on puisse imaginer ça. Et si vous vous demandez à quoi ça sert d'inventer ce genre de choses, eh bien, ça sert entre autres aux chirurgies oculaires. Donc, une application bien pratique. Et ensuite, bon, cette invention a été reprise, utilisée dans d'autres recherches, autant en recherche fondamentale qu'en recherche appliquée. Alors, je disais que Donna Strickland a co-inventé donc, cette méthode de production de lasers très brefs parce qu'elle a réalisé ses travaux lorsqu'elle était doctorante à l'Université de Rochester aux États-Unis, sous la direction de Gérard Mourou, qui a donc lui aussi conjointement reçu le prix Nobel de physique avec Donna Strickland. Et ce qui est intéressant aussi avec Donna Strickland, c'est que c'est une lauréate relativement jeune. Elle n'a que 59 ans et il faut généralement attendre de nombreuses années pour saisir la portée d'une découverte scientifique. Parce que bon, c'est une découverte au départ qui est très fondamentale et de là, ce qu'elle soit développée, qu'on en trouve des applications dans de différents domaines, ça prend des fois des années. De sorte que les auteurs de découvertes, que je dirais entre guillemets nobélisés, reçoivent leur prix tard dans leur vie. D'ailleurs, Gérard Mourou, qui était donc le directeur de thèse de Donna Strickland, lui, a 74 ans. Et est-ce qu'il n'y a pas un troisième lauréat au prix Nobel de physique cette année? Oui, tu as raison. Donc, il s'agit de Arthur Ashkin, un Américain qui est, lui, d'ailleurs, âgé de 96 ans. Donc, lui, ça a vraiment pris du temps pour qu'il reçoive, pour qu'on reconnaisse sa contribution en physique. Alors, on reste dans le domaine des lasers. Il a mis en application le fait que la lumière d'un laser exerce une certaine pression sur la matière et que cette pression permet de déplacer la matière. Donc, en fait, il est parvenu avec des lasers à se servir de lasers comme de pinces pour saisir et déplacer des objets microscopiques comme des bactéries ou des molécules. Donc, et ces pinces optiques, ben, maintenant, sont utilisées pour manipuler le vivant à l'échelle nanoscopique. Alors, merci beaucoup, Valérie. Et ben de rien, puis ben restez avec nous sur CKRL 89.1 pour faire connaissance de notre nouveau chroniqueur Mathieu Riopel. Il va nous emmener à l'intersection des maths et de la musique.